Chapitre 6e. Lorsque Suzanne eut payé la faiblesse féminine son tribut de larmes stériles, elle réfléchit. La situation ne lui parut pas désespérée. Elle avait soigneusement calculé avec son père l'heure de son arrivée et l'entraîneur lui avait affirmé qu'elle serait sur le champ de course avant le grand steeple. Elle arrêta donc sa ligne de conduite. Afin d'éviter le scandale, elle irait trouver le marquis de Vernières, qui lui avait toujours témoigné une affection paternelle. Ils chercheraient ensemble un moyen de rendre inutile la tentative criminelle de Barclay sans inquiéter Jean. La jeune fille, d'ailleurs, éprouvait une répugnance bien compréhensible à dénoncer devant son fiancé le crime de son père. Puis, après la course, elle quitterait Chantilly. Elle se sentait incapable de vivre maintenant sous le même toit que l'entraîneur, car elle ne ressentait pour lui qu'une répulsion mêlée d'horreur. Cependant, à mesure qu'elle approchait de Paris, ses inquiétudes se réveillaient. S'il allait arriver trop tard, une impatience fébrile lui tordait les membres. Elle se levait, s'asseyait, interrogeait avec anxiété le paysage et parfois ébauchait le geste puéril de pousser la paroi du wagon de ses deux poings crispés. Enfin, le train entra en gare. Avant qu'il eût stoppé, les employés qui se trouvaient sur les quais virent avec stupéfaction une femme jeune, belle, élégante, jaillir d'un compartiment de première classe, passer comme un trait devant le contrôleur chargé de recueillir les billets, lui jeter son ticket et se perdre dans le hall avant que les autres voyageurs eussent seulement mis pied à terre. Suzanne sauta dans un taximètre automobile qui descendait à vide la rue Lafayette. Alors ce fut une course folle à travers les encombrements de voitures, les groupes de promeneurs endimanchés, les innombrables camelots, et les mendiants qui assaillaient les voitures à tous les barrages du carrefour. L'auto filait comme une trombe dans le vacarme des coups de corne, des ronflements du moteur, poursuivis par les imprécations des piétons terrifiés. En approchant du bois, la circulation devint difficile, mais alléchée par l'appât d'une gratification énorme, grisée par la course, les exhortations incessantes de cette jolie fille, qui, les chevaux au vent, semblait posséder du démon de la vitesse, le chauffeur fonçait à toute allure. Arrivé devant la butte de Mortemart, Suzanne jeta 2 louis au conducteur, 10 francs sur la tablette du receveur des entrées, et sans prendre même la carte que cet employé lui tendait, s'élança dans l'enceinte du pesage, tandis que sur son passage, les spectateurs de cette scène étrange demeuraient stupides d'étonnement. Après avoir traversé des groupes de retardataires se dirigeant vers les tribunes, renversé 2 ou 3 chaises, elle parvint au paddock. Il était désert. Une horrible angoisse l'étreignait à la gorge. Trop tard, elle arrivait trop tard. D'un élan fou, elle courut à la grille de la piste, déjà les chevaux défilaient devant le pavillon du président de la République. Alors, les poings rivés aux grilles du pesage, muettes, pâles et glacées, dévorant la piste de ses regards étincelants, où semblaient s'être concentrées toutes les forces de son corps inerte, le cerveau vide, le cœur battant dans sa poitrine à grands coups inégaux, Suzanne regarda de tous ses yeux. Les spectateurs s'étaient massés le long des barrières. Les tribunes et leurs terrasses surchargées de monde offraient l'aspect déconcertant d'un formidable amas de corps entassés. Dans l'immense hippodrome, la piste traçait son 8 tapissé d'herbes, hérissées d'obstacles. Au centre, le soleil implacable faisait luire les couleurs voyantes des casaques des jockeys, qui s'harmonisaient avec la teinte neutre de la foule et le vert cru du paysage. Un à un, les concurrents, tenus en main jusque-là, gagnèrent au galop le poteau de départ. Villard passa le second. Son galop souple, aisé, puissant, harmonieux, souleva l'enthousiasme. Bagatelle, légère comme un oiseau, effleurant à peine le gazon, était à peine moins admirée dans son modèle plus réduit mais séduisant. Puis venaient Péninsule, Regalia, Le Sillon, Maryland, Bird's Eye, le second favori Beau Soleil, la fleur des Steeplechasers, et enfin 2 ou 3 seigneurs de moindre importance dont on s'expliquait à peine la présence en cette compagnie. Pendant les opérations laborieuses de l'alignement, une rumeur confuse, incessante, montait de la pelouse. Tout à coup, un coup de cloche retentit et ces milliers de voix humaines se turent, les concurrents étaient partis. Immédiatement, le peloton apparut en haut de la butte du pavillon. En 3 bonds gigantesques, Villard prit la tête. Marolles, calé sur les bourrelets de sa selle, le corps rejeté en arrière, le retenait à plein bras. Le favori passa devant les tribunes avec une avance de 2 ou 3 longueurs. Derrière lui, un premier groupe composé de Regalia, Péninsule et Bird's Eye le talonnait. Puis venaient Bagatelle et enfin Le Sillon, Beau Soleil, Maryland et les comparses. Les ailes et clés de la boucle de Passy furent sautées sans incident. Le cheval du marquis de Vernières les franchit avec une aisance merveilleuse sans déplacer son jockey. À chaque obstacle, il gagnait du terrain et Jean avait toutes les peines du monde à modérer sa fougue. Cependant, il lui rendit la main en arrivant à la rivière. Le fiancé de Suzanne, obéissant aux ordres reçus, se mettait à l'abri des bousculades et des chutes. Un silence profond plana sur l'hippodrome. Vigoureusement enlevé, Villard se dressa sur ses membres postérieurs et prit son vol. On vit sa fine silhouette se découper un instant sur l'azur du ciel, planer au-dessus du miroir d'argent de l'eau. Puis, d'un mouvement souple, comme un ressort qui se tend, il reprit pied sur le gazon. Tout à coup, une immense clameur s'éleva. Maroul avait passé l'obstacle avec la correction d'un gentleman au concours épique. Mais soudain, au moment où ce cheval se recevait, il vacilla sur sa selle. Il y eut dans le public une seconde d'angoisse. D'un bout à l'autre de l'hippodrome, un frémissement courut comme un coup de vent dans les blés. On vit alors le cavalier se pencher sur l'encolure, tandis que Villard, un instant surpris et dépassé par ses concurrents, se remettait dans son train. Il cueillit, au bout de sa botte, un étrier dont l'étrivière venait de se rompre, le passa autour de son poignet droit et dégagea son pied gauche. Puis, crispé sur le garrot, les talons aux sangles, ramassé sur lui-même pour affermir son équilibre, enlevant sa monture d'un élan furieux, il regagna sa place en tête. Des hurlements, des acclamations frénétiques saluèrent son exploit. On l'avait cru par terre, et ses nombreux partisans respiraient en le voyant repartir. Le tumulte fut tel qu'on perçut à peine les incidents du saut. Cependant, deux chevaux s'étaient dérobés. L'un d'eux même déposa son jockey sur le gazon. Régalia, prenant l'obstacle de trop loin, glissa des pieds de derrière et roula dans la rivière avec son cavalier. Jean, stupéfait, cherchait la cause de l'accident dont il avait été victime. Barclay lui-même n'avait-il pas examiné son harnachement avant le départ? Dans un éclair, il entrevit la défaite et ses conséquences. Il ne pensa pas au danger, mais il crut entendre les sifflets, les cris de colère des parieurs, déçus et méfiants. Le sentiment de sa responsabilité fit perler une sueur froide à la racine de ses cheveux. Cette unique pensée s'implanta dans son esprit, gagner, gagner à tout prix. Alors, par un prodigieux effort de volonté, il recouvra tout son sang-froid. Ses muscles se tendirent, ses facultés s'exaspérèrent, il se surpassa. Un moment, son cheval l'avait emporté, forçant l'allure. Il le reprit pour le laisser souffler. Des haies se présentèrent, la butte, le brook. Il les franchit sans déplacement, maintenu en selle par l'étau de ses genoux. Avant le mur en pierre, il caressa l'encolure de Villard, le remit en confiance, puis il aborda le terrible obstacle avec sa sûreté coutumière. Un tour se fit ainsi. Quand on le vit passer la seconde fois la rivière des tribunes, aussi calme qu'à l'ordinaire, avec son étrier libre, battant le flanc de sa monture et son bracelet d'acier autour du poignet droit, les applaudissements éclatèrent. D'autres obstacles se dressèrent. La butte, le brook, la petite rivière, des haies innombrables. Chaque fois, cheval et cavalier sautèrent avec le même bonheur. Au huit, Villard menait, galopant toujours en tête. Bagatelle le suivait devant Péninsule, Beausoleil et Birdseye. Les autres étaient désemparés et Maryland galopait sans cavalier. Dans le tournoi des lacs, le train s'accentua. Harkins attaqua sa monture avant le Bullfinch. Et Birdseye, cravaché sans pitié, met également se placer à la hanche du favori. Marol, les mains basses, ne bougeait toujours pas. Les trois chevaux foncèrent ensemble dans la haie qui surmonte l'obstacle. Mais Villard, mieux soutenu, aussi frais qu'au départ, passant d'une détente souple et puissante, reprit une longueur. Cependant, le jockey de Dixon fit appel aux dernières ressources de la jument. Sous le fouet, Bagatelle rejoignit encore une fois son terrible adversaire. Un moment, elle lutta courageusement, sans perdre de terrain. La dernière haie fut franchie. La foule, haletante, empoignée par ce duel épique, surexcitée par les incidents de la course, commençait à hurler. Elle ne criait que des noms. « Bagatelle, Villard, Bagatelle, Villard !» qui scandait la cadence du galop. On voyait certains spectateurs, des derniers rangs sauter verticalement en l'air, retomber, sauter encore, et retomber sans trêve comme des volants sur une raquette. À chaque bond, ils emplissaient leurs yeux du spectacle prodigieux de ces deux bêtes, rivées l'une à l'autre, dont les sabots faisaient voler de toutes parts des touffes d'herbe arrachées à la piste. Avec une énergie sauvage, décuplée par la rage, la jalousie, la haine, Jim enlevait sa monture. Son bras décrivait dans l'air une courbe incessante. Sa cravache sifflait et claquait. À chaque morsure de la mèche, bagatelle haletante, semblait projetée vers le but par une force irrésistible. Birdseye, complètement fourbu, s'était effondré au dernier obstacle. Enfin, à l'intersection des pistes, Barrel sentit que le moment décisif était arrivé. À son tour, il se pencha sur l'encolure de Villard. Sans les fleurs et de sa cravache, il leva simplement les mains et lui lâcha la tête. Alors, il n'eut plus de course. Le merveilleux animal s'étendit encore, ce qui pouvait paraître invraisemblable. Il s'allongea, au point que son ventre sembla raser le tapis vert du gazon. En quelques foulées magistrales, il laissa sur place sa rivale hors d'haleine. Ce fut l'espace d'un éclair, le temps de tourner la tête, une seconde à peine, et dans un tumulte indescriptible d'applaudissements, de cris inarticulés, d'exclamations folles, la casaque verte et blanche atteignit le poteau. On fit au vainqueur une ovation inouïe. Quand Marol, au petit galop de chasse, ramena son cheval vers la porte du pesage, des deux côtés de la piste, un même enthousiasme secoua les spectateurs. Toujours cramponnée au barreau de la grille, Suzanne avait suivi sans bouger les péripéties de la course. L'angoisse l'avait transformée en statue. Quand elle vit son fiancé passer devant la tribune du juge, quand elle le vit rentrer sain et sauf au milieu d'une foule qui l'acclamait, un bonheur immense l'envahit tout entière. Jean vivait. Elle n'osait y croire. Son âme endolorie se recueillit dans un ravissement délicieux. Elle ferma les yeux. Déjà, dans l'enceinte des balances, les jockeys avaient mis pied à terre. Autour de M. de Vernières, qui passait une main fébrile sur le poil satiné de Villard, un cercle de propriétaires se formait. On félicitait l'éleveur, mais une grande partie des louanges allait au cavalier. La rupture de l'étrivière n'avait échappé à personne. Aussi, les sportsmen avertis qui se pressaient dans l'enclosure ne marchandaient-ils pas à Marol des éloges mérités. Barclay, livide, les lèvres frémissantes, considérait cette scène d'un air hébété. Il avait éprouvé en voyant le cheval gagner dans un style incomparable la sensation d'un écroulement. Il se débattait au milieu des débris de ses projets. Machinalement, il serrait les mains de ses collègues, leur répondait à tort et à travers. Dixon, Jim Harkins lui-même, pâle de rage et de cupidité déçue, atterré par la perte d'argent qu'il venait de subir, lui prodiguèrent des félicitations ironiques. Sa mine confuse décelait une émotion intense dont personne ne pouvait deviner la cause. Son embarras fut à son comble lorsque l'entraîneur de M. Belmont, se penchant à son oreille, lui dit d'un ton pincé « Bravo, vieux Tom, voilà un événement qui va rétablir vos affaires et vous permettre d'acquitter vos dettes. » Tandis que le jockey lui murmurait tout bas « Très bien, Barclay, vous avez une agréable façon de tenir vos engagements. Vous souvenez-vous de notre conversation d'hier ? Vous aviez cependant promis. Ah, vous êtes un malin, vous. Et les 5 000 francs que vous avez joués ? Et la prime que je vous avais promise, est-ce que vous trouvez tout cela sous le sabot de votre Villard ?» Ces sarcasmes qui dissimulaient des menaces, répondant à ses préoccupations secrètes, accrurent le désespoir du père de Suzanne. Lorsque Jean descendit de cheval, la surexcitation qui le soutenait disparut. Il vit à travers un brouillard M. de Vernières lui serrer la main, le prendre par le bras et le conduire aux balances. Le gentilhomme lui parla. Il ne l'entendit point. Une immense lassitude, une courbature générale, engourdissaient tous ses membres. Cependant, il reprit conscience lorsqu'il fut sorti de la salle. Son premier mouvement fut d'examiner l'étrier, cause de l'accident dont il ne pouvait concevoir la cause véritable. À peine eut-il jeté ses yeux sur la courroie rompue qu'il poussa un cri. Dans l'épaisseur du cuir, on voyait nettement qu'une lame affilée avait entamé la courroie aux 3/4 de son épaisseur. On pouvait apercevoir aussi l'endroit où l'étrivière s'était rompue sous le poids du cavalier. Il eut alors comme un éblouissement. « Qu'a-t-il donc, Jean ?» lui demanda M. de Vernières. « Te sens-tu malade ?» En effet, Marol fléchissait sur ses jarrets. Atterré, il fixait machinalement son étrier. « C'est impossible !» s'écria-t-il enfin. « Je rêve. Voyez, monsieur, voyez cette étrivière. On a voulu m'assassiner. »« T'assassiner ? Comment ? Pourquoi ?» Pourquoi ? C'est facile à deviner. Quelqu'un avait intérêt à m'empêcher de gagner. Le fait n'est malheureusement pas nouveau, mais qui ? M. de Vernières prit à son tour la courroie, l'examina avec un soin méticuleux. Quelques secondes lui suffirent pour acquérir la certitude d'une tentative criminelle. Les deux hommes se regardèrent. « Canaille ! » gronda le gentilhomme. « Mon pauvre ami, Quelle terrible chute! Mais c'était la mort certaine! Marolle était devenue très pâle. Sa fatigue, sa défaillance s'étaient dissipées sous la poussée de la colère. Il promena des regards étincelants sur les groupes qui l'entouraient, cherchant sur les visages le signe révélateur qui lui désignerait son assassin. À ce moment, il se trouvait avec son protecteur derrière le pavillon des balances. L'endroit était à peu près désert. Seul Barclay, accablé, marcha à côté d'eux comme un automate plongé dans de ténébreux calculs. Suzanne les rejoignit alors. Sans un mot, la gorge serrée par une émotion insurmontable, elle se précipita dans les bras de son fiancé. D'un coup d'œil, elle avait compris, Jean savait. Son trouble, l'étrier qu'il tenait encore dans sa main, l'horreur peinte sur son visage et l'irritation du marquis lui apprirent clairement que le crime était découvert. Mais le criminel était-il connu? La voix du propriétaire la tira de sa perplexité. « Cette étrivière a été coupée, dit-il, un enfant ne pourrait s'y tromper. Voici la trace de l'acier. Voyez, on a voulu fausser la course, c'est de toute évidence. Avez-vous des soupçons? Qui pouvait avoir intérêt à nous empêcher de gagner? Nos concurrents, sans doute? Mettons-nous en campagne. Pour moi, j'ai mon idée. On nous a trahis. Je vais immédiatement déposer une plainte et faire arrêter William, le garçon de voyage. Depuis longtemps, je l'ai sur lui. À Chantilly, la sellerie est fermée à clé. On n'a pu couper cette étrivière ailleurs que dans le wagon. Par conséquent, le coupable ne peut être que ce drôle. En tout cas, quel qu'il soit, j'engage ma parole d'honneur que l'assassin, car le misérable ne mérite-t-il pas d'autre nom, n'est-ce pas, sera puni comme il le mérite. Suzanne écoutait avec horreur. Elle savait, elle, que le vrai coupable n'était pas William. Un innocent allait-il donc être arrêté, condamné peut-être? Connaissant le marquis, il savait que sa volonté ne fléchissait point. S'arrachant des bras de son fiancé, la jeune fille fit un pas vers son père. Barclay la regarda venir avec des yeux effarés. Il avait compris. C'était l'expiation, le châtiment. Suzanne, sa fille, avait découvert son crime. Elle allait sûrement le dénoncer. Avant qu'elle eût ouvert la bouche, l'entraîneur, qui se tenait à l'écart, s'avança jusqu'au centre du groupe. Ses lèvres s'agitèrent sans qu'il pût articuler un seul mot. Dans le désarroi de tout son être, dans la déroute de son intelligence, il faillit se trahir. Pendant une seconde, il chercha des arguments, une justification, comme s'il devait répondre à une accusation précise. Puis il entrevit la ruine, et la misère, l'arrestation, la cour d'assises, le bagne. Toutes ces images instantanées s'entrechoquèrent, sillonnant son cerveau comme autant d'éclairs. Suzanne, droite, implacable, pâle comme la mort, dardait toujours sous lui un regard étincelant. Subitement, les yeux hagards du vieux Tom s'injectèrent de sang. Les veines de son cou se gonflèrent. Sa figure blême devint écarlate, puis violette. Portant à sa gorge ses deux mains crispées, il arracha son faux col, sa cravate, poussa un hurlement affreux d'épouvante et de douleur, tourna sur lui-même et s'abattit, la face en avant, foudroyé par l'apoplexie. M. de Vernières et Marolles s'élancèrent pour le relever, mais Suzanne, qui n'avait pas fait un geste pour secourir son père, les arrêta d'un geste. « Jean, monsieur le marquis, dit-elle simplement, ne cherchez plus l'assassin. Ne parlons plus jamais, jamais, de ce crime épouvantable. Je vous jure que justice est faite. » Les deux hommes échangèrent un regard et, tandis que Jean, très tendrement, attira vers lui sa fiancée éperdue, M. de Vernières fit sauter avec son index une larme qui s'obstinait à perler au coin de sa paupière en murmurant « Pauvre petite !» Épilogue. Le mariage de Suzanne et de Jean fut célébré dans la vieille église de Vernières. Ce fut une noce simple et champêtre, où l'on vit voisiner le curé, le notaire, le médecin, de haut droit châtelain des environs. Monsieur de Vernières conduisit la mariée. Marolles donna le bras à la marquise, toute souriante sous ses cheveux blancs. À la fin du déjeuner, abondant et délicat, le gentilhomme prit à part son protégé lui dit « Écoute, mon ami Jean, les épreuves que vous avez traversées, Suzanne et toi, vous ont donné à l'un comme à l'autre le désir d'une vie tranquille. Ici, tu es au milieu d'amis sincères, de vieux camarades, qui ont commencé par aimer ton père avant de reporter sur toi l'affection qu'ils avaient pour lui. Moi, de mon côté, j'ai renoncé à faire courir. Aujourd'hui, mon écurie doit être liquidée. Tu sais, quels événements m'ont inspiré un dégoût profond du monde des courses. Désormais, je me consacrerai entièrement à l'élevage et à l'exploitation de mon domaine agricole. Ton père fut mon collaborateur. Prends sa place, habite sa maison, celle où tu es né auprès de la marquise et de moi, qui t'aimons comme notre enfant. » Jean ne put répondre. Ah, certes, il acceptait cette offre généreuse. Vivre au milieu de cette campagne où ses chers souvenirs d'enfance traînaient à l'orée de tous les bois, au détour de tous les chemins creux flanqués d'aubépines et de ronces, égrenait son bonheur parmi les objets familiers qui évoquaient l'image de son père, de sa mère, ses jeunes années, les chagrins du passé parmi les joies du présent. C'était le bonheur paisible, la vie monotone et douce où l'âme oublie. Son protecteur, un bon sourire au coin de sa moustache blanche, lui ouvrit les bras. D'un élan où passa toute sa reconnaissance, toute son affection, il se jeta contre la poitrine de M. de Vernières et mit tout son cœur dans son étreinte. Cependant, la marquise s'était assise dans une bergère près d'une fenêtre. Suzanne, exquise dans sa toilette blanche et toute rose de bonheur, avait posé ses mains dans la main fine de Mme de Vernières. Elle causait avec animation et la jeune femme livrait avec confiance à cet ami éclairé les secrets de son cœur, ses rêves, ses souvenirs et ses projets. Quand vint le soir, les jeunes mariés furent conduits chez eux, dans l'ancienne maison du père Marolle. C'était un pavillon construit vers le milieu du siècle dernier, tapissé de lierre et abrité par de vieux arbres. Un grand toit le coiffait et des milliers d'oiseaux se poursuivaient le long des murs. Au midi, la vue s'étendait sur la plaine. Au nord, l'horizon était borné par les bois. Il y avait au chevron des poutres qui soutenaient la couverture une multitude de nids, parmi les glycines et les rosiers grimpants. Le crépuscule tombait. Un parfum pénétrant montait de la terre humide. Les feuilles immobiles, lourdes de rosée, resplendissaient comme des étoiles aux derniers rayons du soleil qui se couchait au loin dans la brume violette. Enlacés, appuyés l'un sur l'autre, heureux et confiants dans l'avenir, Suzanne et Jean franchirent le seuil de la maison paisible. Ainsi se termine Le crime de Tom Barclay par Georges Libertet.